Les joueurs coréens ont obtenu de bonnes performances aux épreuves de la Ligue internationale d'aéromodélisme 2017, tenue à Oulan-Bator, Mongolie. Seom Yong-bom s'est classé respectivement premier à l'épreuve individuelle de planeur au rond moyen et supérieur du vol libre d'aéromodélisme pour la Coupe d'Asie de la Ligue internationale d'aéromodélisme 2017, tenue les 14 et 15, alors que Kim Eun-bo, deuxième à l'épreuve individuelle de planeur au rond moyen. Kim Eun-bo, Seom Yong-bom et Kim Song-il se sont classés respectivement premier, deuxième et troisième à l'épreuve individuelle de planeur au rang supérieur à la compétition pour la Coupe commémorative Sotnom Balzir de la Ligue internationale d'aéromodélisme 2017, tenue le 16. Les joueurs coréens ont regagné la patrie le samedi.